les rapports avec les habitants, avec les Algériens? Autant que possible, il fallait qu'ils soient cordiaux, parce que on faisait la pacification. Il fallait être assez cool, un peu assez décontracté, et se mettre un petit peu à leur diapason.